Chapitre 4. Je ne sais si Annoncia dut à Vaucresson quelques instants de bonheur. C'est possible, car elle crut rendre cet homme heureux par son amour, et le cœur des femmes renferme assez de générosité et de dévouement pour trouver dans une semblable conviction toute la félicité désirable. Son amant, à qui je ne saurais refuser une hardiesse insolente et une sorte d'entrain grossier et de jovialité, avait réveillé tous les instincts audacieux de cette fille des montagnes. Il l'avait peu à peu dressée, pour me servir de son langage, aux habitudes aventureuses de son existence. Depuis l'événement des dents de la Guivre, que je t'ai raconté, Annonciade avait toujours peur de l'eau. Comme Pierre le Grand, elle pâlissait en passant sur un pont. Il suffisait cependant à Vaucresson de la railler en riant sur sa poltronnerie pour la décider à apprendre à nager et à manier les rames aussi bien que notre ami Alphonse Carr. À cheval, elle pratiquait la haute école, et elle en eut remontré à son amant par son audace à franchir les haies et à sauter les fossés. Elle aimait la vie en plein vent, à l'air libre. Aussi était-elle souvent invitée à des parties de chasse, où Vaucresson l'accompagnait. Chez ce dernier, l'amour de la chasse était devenu une véritable passion à laquelle Flora allait devoir sa perte. Un jour d'automne, ils restaient tous deux plusieurs heures immobiles, les pieds dans un marais, à guetter des canards sauvages, tandis qu'une nappe de brouillard blanchâtre et glacial s'étendait sur l'eau stagnante. Flora prit froid, sentit ses pieds paralysés en sortant de la vase et comme piquée de milliers d'aiguilles lorsqu'elle se remit en marche. Le soir, elle fut prise de frissons et de fièvre, et sa voix s'enroua quelques instants avant de se rendre à l'opéra, qui donnait justement une représentation au bénéfice d'un artiste malheureux, honnête pseudonyme sous lequel se déguisait M. Étienne Vaucresson. Cet amant délicat exigea donc que Flora, malgré son épuisement visible, jouât son rôle, et il se refusa à mettre une bande sur l'affiche. Pour rendre à sa maîtresse une énergie et une facilité factices, il lui fit prendre une assez forte dissolution d'alun. Grâce à ce remède héroïque, Flora put chanter comme un ange, mais ce fut son dernier triomphe. Son gosier s'enflamma cette nuit même, et il se déclara une angine qui la mit à deux doigts de la mort. Les soins du célèbre Horace Bianchon la sauvèrent. La recette de la représentation avait été magnifique. Vaucresson put apaiser quelques-uns de ses créanciers les plus féroces et contracter de nouvelles dettes. Pendant sa maladie, Flora ne fut préoccupée que d'une seule crainte. Son amant n'allait-il pas la trouver laide? Elle, la moins coquette des femmes, ne songeait qu'à consulter son miroir à chaque instant, et elle pleurait en contemplant sur son visage les ravages du mal. Bianchon lui avait sévèrement recommandé le silence. Cependant, une nuit, tourmentée par l'insomnie, elle oublia ses ordres et essaya de chanter. Elle tressaillit, car des sons rauques et gutturaux sortaient de son gosier. Sa voix était-elle donc perdue? Elle se leva et se traîna jusqu'à son piano. Là, pleine d'angoisse, s'écoutant avec terreur, elle lutta désespérément contre ce gosier jadis souple et flexible, maintenant indocile et rebelle. Plus elle s'épuisait en efforts, plus sa voix sombrait et s'éteignait. Elle fut saisie de cet indicible effroi qui doit étreindre les créatures ensevelies vivantes qui sentent le linceul froisser leur visage, serrer étroitement leurs membres et la bière glisser peu à peu dans le trou du fossoyeur. Te dirai-je les détails de cette étrange agonie, Lucien? Pour recouvrer sa voix, la malheureuse alla respirer l'air balsamique de Sorrente. Elle voyagea en Espagne, elle implora les consultations stériles des plus célèbres praticiens. Elle s'astreignit à des opérations cruelles. Elle essaya les remèdes extravagants des charlatans les plus famés à la quatrième page des journaux. Tout cela en vain. 10 fois, elle eut une lueur d'espoir en émettant çà et là quelques notes pures et vibrantes qui s'égaraient ensuite dans une confusion de sons voilés, sourds et étranglés. Vaucresson était atterré. Sa proie lui échappait. Son audace habituelle lui fit conseiller à sa maîtresse de risquer le tout pour le tout et de faire une tentative suprême en reparaissant une dernière fois sur le théâtre dont elle avait été la gloire. Qui sait, l'émotion de la lutte pouvait produire un miracle. La Flora réclama donc sa représentation de retraite, à laquelle toute la ville se porta avec un vague espoir de voir ressusciter la grande cantatrice dans tout son éclat. Tu as assisté à cette horrible tragédie, Lucien, car du fond de la loge où j'étais placé, je t'ai aperçu, ému et plein de pitié, à la stalle du balcon. Tu as vu ce soir-là notre admirable Flora, jeune et belle, jetant dans son plus beau rôle toute la passion de son âme aux prises avec ce tigre apprivoisé, le public, qui fut clément et miséricordieux, tant il se souvenait d'avoir aimé et applaudi cette femme. Elle se traînait en se débattant devant la rampe flamboyante, comme le serpent qui se tord et cherche à renouer ses tronçons épars. Elle avait encore des élans sublimes, accueillie par les bravos et les larmes de la salle entière. Elle lança encore quelques notes sonores et frémissantes qui rappelaient les chants d'autrefois, mais ses efforts déchiraient son gosier, les sons mouraient, et ses forces s'épuisant, elle tomba évanouie sur les planches qu'il avait si longtemps portées triomphantes, tandis que se faisait dans la salle un grand silence de pitié et de douleur. Si la tragédienne existait encore, la cantatrice venait d'achever son agonie, et comme elle avait dû souffrir, en voyant se changer en pitié cette immense admiration qu'elle soulevait jadis autour d'elle. Cependant, on ne croit pas aussi, comme tous les autres, Lucien, que Flora souffrit seulement alors de son orgueil d'artiste, parce que la coupe de la gloire s'était soudainement tarie pour elle. Ce succès, qu'elle appelait de tant d'efforts et de désirs, c'était moins pour elle que pour son amant. Elle comprenait instinctivement que le vantard et vaniteux Vaucresson aimait surtout en elle la cantatrice et que les bravos, les bouquets, les rappels enthousiastes pouvaient seuls lui conserver l'amour apparent de cet homme dont les lâchetés, les dédains, les outrages n'avaient pas lassé son noble cœur. Elle l'attendit, croyant être consolée par lui et versait des larmes moins amères, mais Vaucresson ne reparut plus chez elle. Cette ingratitude porta le dernier coup à la pauvre fille. Flora, une fois déchue du théâtre, voulut cacher l'humiliation de sa défaite et s'éloigner de ce monde bruyant et riche qui lui rappelait sa prospérité. Ses frères étaient à l'abri du besoin. Elle loua un petit entresol dans la rue Coquenard pour elle et ses deux jeunes sœurs et donna, sous un nom d'emprunt, des leçons de chant pour les faire vivre. Elle souffrit bientôt mille misères. Je sus sa détresse, et je lui fis demander la permission d'aller la voir. Elle hésita longtemps, car elle respectait encore les moindres volontés de ce despote qui l'avait abandonnée. Je la retrouvais morne, découragée, fatiguée de la vie. Le jour même où je la revoyais, elle venait d'abdiquer sa fierté de femme et de faire supplier son amant, par un de ses amis, de venir chez elle ou tout au moins de lui écrire. Il s'y était obstinément refusé, disant qu'il était inutile de fouiller dans les cendres d'un amour éteint. Cependant, elle s'informait de mille détails à l'ami chargé du message. Étienne avait-il parlé d'elle avec douceur ou avec mépris? Portait-il toujours au doigt la bague de diamants qu'elle lui avait donnée? Aimait-il une autre femme? Et une foule d'autres questions dont elle écoutait la réponse banale, comme si sa vie en avait dépendu. En vérité, Lucien, ce spectacle me navra. Mais cette fidélité touchante ne me détacha pas de la seule femme que je fusse capable d'aimer. Quelques jours après, elle reçut un coupon de loge pour l'opéra, sous une enveloppe dont l'adresse s'était écrite de la main de Vaucresson. Ses joues s'embrasèrent d'une rougeur soudaine en reconnaissant l'écriture, et elle la baisa avec un transport de joie. « Irez-vous ? » lui demandai-je. « Si j'irai ? » répondit-elle vivement. « Lorsque c'est lui qui m'envoie ses billets ? » « Ah, il ne m'a pas tout à fait oublié, mais il faut que je me hâte, car je veux me faire belle, bien belle. » Je voulus m'opposer à son projet, car elle était très souffrante, et Horace Bianchon exigeait d'elle un repos presque absolu. Mais depuis l'envoi des billets, elle avait la joue en feu, ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux, et elle me répondit gaiement. « Voyez donc, Paul, si j'ai jamais eu de plus belles couleurs. Oh, je me sens tout à fait bien. Je veux mettre du corail dans mes cheveux et les tordre en couronne. C'est le genre de coiffure qu'Étienne aimait le mieux. Quant à ce collier de corail, voyez Paul, c'est lui qui me l'a donné, et je pense qu'il ne le trouvera pas de mauvais goût. » Je l'accompagnai à l'opéra. On jouait la pièce où l'avait obtenu son plus grand triomphe. La chanteuse Hortensia, qui la remplaçait, était médiocre. Elle avait la voix flexible et assez étendue, mais d'un timbre peu sympathique. À vrai dire, Annonciade ne l'écoutait guère. Comme la nouvelle prima donna venait de chanter un grand air, fort applaudi par les chevaliers du lustre, nous entendîmes un jeune Anglais dire à son voisin dans la loge à côté « Cette Hortensia est une grande cantatrice, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oh !» répliqua vivement l'autre, « si vous aviez entendu la belle Flora, vous n'iriez pas un pareil blasphème. Mais où retrouve-t-on une Flora ?» Je regardai ma compagne, un faible sourire éclaira son visage inquiet. « Bon jeune homme, murmura-t-elle, pourquoi Étienne n'est-il pas là pour t'entendre ?» Peu après la fin du premier acte, je la vis pâlir et chanceler. J'allais me lever lorsqu'elle me serra la main en me disant « Ce n'est rien, mon ami, je le devine venir, voilà tout. Mon cœur remue toujours quand Étienne n'est pas loin de moi. » Je croyais presque qu'elle plaisantait, tant j'avais peu de confiance à ce phénomène inexplicable de la sympathie. Mais j'eus peine à revenir de mon étonnement lorsque je vis la porte de la loge s'ouvrir et M. Étienne Vaucresson entrer, donnant le bras à une jeune femme splendidement parée dont le visage était caché derrière son éventail. « Il n'est pas seul, » murmura douloureusement Flora. Je pressentis quelque trahison. Cet homme s'inclina avec un respect ironique, mais malgré son audace, il garda une attitude embarrassée. La femme qui l'accompagnait abaissa son éventail et nous reconnûmes le visage d'Hortensia éclairé d'un sourire triomphant et cruel. « Ma chère Flora, » dit-elle d'une voix flûtée qui me fit l'effet du sifflement d'une vipère, « j'ai voulu vous rendre un service d'ami. Je vous ai fait venir ce soir à l'opéra, non pour vous procurer l'ennui de m'entendre, mais pour vous faire rencontrer vos lettres par Étienne en ma présence. Je ne suis pas femme à souffrir que ce gros fat en tire vanité et compromis la réputation d'une ancienne camarade. Maintenant, ma chère, un dernier conseil, mettez désormais un peu de rouge, car vous êtes vraiment verte à faire peur. » Puis, après avoir débité nettement cette jolie tirade, elle tendit à sa rivale un petit paquet de lettres que Flora, terrée, laissa tomber à ses pieds. Oh, comble d'ignominie ! Le Vaucresson se taisait, lâche complice de cette insulte. Quant à Flora, elle baissa la tête, après avoir vainement essayé de sourire et de faire face à l'orage, et de grosses larmes coulèrent sur ses joues. Je ne pus me contenir plus longtemps, et je fis un pas vers l'insolent chevalier d'Hortensia. Mais aussitôt ma compagne me montra de sa main tremblante les lettres éparpillées sur le plancher et me dit, d'une voix suppliante, « Mon bon Paul, ramassez donc ces preuves de ma honte. » Pendant que j'obéissais, la cantatrice disparut avec le nouvel amant qu'elle s'était donné, par fantaisie, pour quelques jours. « Dites-moi la vérité, Paul, » me demanda alors Flora avec angoisse. « Cette femme sans cœur est donc plus belle que moi ?»« Mais non, ne me répondez pas. Vous me tromperiez par compassion. Je vois bien qu'elle est plus attrayante et plus belle, puisqu'il l'aime et qu'il a souffert, qu'elle m'outragea devant lui. » Elle eut le courage d'assister à toute la représentation. Le dirais-je, j'éprouvais une joie secrète et farouche de voir Annonciade si abandonnée et si malheureuse, car elle m'appartenait mieux. Je pouvais désormais me dévouer à elle sans qu'elle osât me repousser.